Les réponses du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, données le 24 juin aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée contre le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a mis en cause notre lancement expérimental de la fusée balistique stratégique de moyenne et longue portée, ont été distribuées le 30 juin comme dossier officiel S-2016-575 du Conseil de sécurité de l'ONU.